Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Nègre blanc d'Amérique, le classique de Pierre Vallière. Beaucoup, beaucoup de monde se sont reconnus dans Nègre blanc d'Amérique. Et je pense qu'il est indéniable que je fais partie de la famille québécoise, peu importe les idées des autres Québécois par rapport aux miennes. La publication de Nègre blanc d'Amérique en 1968 a l'effet d'un grand coup de tonnerre dans le ciel politique et social du Québec de l'époque. Le parallèle qui fait Pierre Vallière entre la classe ouvrière québécoise et les Noirs aux États-Unis est pour le moins audacieux et provoque une espèce d'électrochoc dans la société québécoise. C'est d'ailleurs dans la foulée de la publication de Nègre blanc d'Amérique que Michel Lalonde va écrire son fameux poème « Speak White ». Speak white. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe! Par les rappels à l'ordre, par les répressions. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraque. Speak white and tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir comme la misère est nègre et que le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white, de Westminster à Washington, relayez-vous. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized. Et comprenez notre parler de circonstances quand vous nous demandez poliment « How do you do ?» et nous entendez vous répondre « We're doing all right. We're doing fine. We are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. » Robert Lepage, interprétant le texte de Michel Lalonde, Speak White, à la nuit de la poésie de l'émission Plus on est de fou, plus on lit, du 5 mars 2017, pour nous raconter le contexte dans lequel Pierre Vallière va écrire Nègre blanc d'Amérique, pour nous parler aussi de l'impact qu'aura la publication de ce livre, désormais considéré comme un classique de notre littérature. J'accueille Marc Lorando, mon collègue journaliste habitué de l'émission. Marc Lorando, bonjour. Quelle importance a Nègre blanc d'Amérique dans l'histoire du Québec, Marc, mais plus que ça, dans l'histoire de notre littérature? Une importance énorme. Ce livre est un cri, un témoignage déchirant, parce qu'il décrit en termes concrets la situation socio-économique inférieure des Canadiens français. Et ça décrit aussi le bouillonnement des années 60. Ouais. Et c'est un classique de la littérature révolutionnaire. Ouais. Nègre blanc, le titre, Nègre blanc d'Amérique. Pourquoi Nègre blanc d'Amérique? Mais à partir de sa famille dans une banlieue sordide de la rive sud, qu'on appelait Longueuil annexe, qui deviendra Ville-Jacques-Cartier, il décrit la vie de son père comme ouvrier des usines Angus du CPR, Canadien Pacifique, et il dépeint l'exploitation et la misère des Canadiens français. Il y a cette comparaison, là, je reviens au titre, entre cette situation des Canadiens français, de cette classe ouvrière de l'époque, et ce que vivent les Noirs américains. Mais sa thèse, c'est que les Canadiens français représentent une population de statut socio-économique inférieur, aliénée, exploité au profit du capitalisme nord-américain, comme les Noirs, ouais, exactement. Ouais. Et ce qui fait que donc ce livre, c'est à la fois ce récit dont vous parlez. Il y a deux choses là-dedans. Qu'est-ce qui fait que c'est un livre important? L'aspect biographique, la description de ce milieu, ou parce que c'est aussi Nègre blanc d'Amérique, une espèce de traité de philosophie politique. Qu'est-ce qui fait du livre ce qu'il est, Marc Lorando? C'est l'autobiographie, ouais, qui a la meilleure partie, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Et Vallière raconte très bien la situation des Canadiens français à partir de Ville-Jacques-Cartier. Écoutez, c'est une ville dans les années 50 où il n'y a même pas d'eau courante. C'est là que son père, ouvrier des usines Angus, a décidé d'établir sa famille. Ouais. Et c'est vraiment une ville qui est en proie à toutes les mafias, mafias véritables, là, des gangsters. Et le maire en était un, d'ailleurs, à l'époque, un gangster. Et aussi, les magouilles politiques de toutes sortes. Alors, je parle du gouvernement Duplessis, là, à l'époque. Alors, c'était une banlieue vraiment miséreuse. Et à travers ça, il décrit la misère des Canadiens français. Et vous savez qu'avec les chiffres, la commission Laurent-Dunton, commission royale, allait confirmer quelques années plus tard que c'était vraiment ça. Mm-hmm. Nous, Canadiens français, étions au bas de l'échelle et Vallière l'illustrait de façon claire et déchirante. Alors, c'est pour ça que ça a marché. Même Mordecai Richler disait à ses enfants, « Faut que vous lisiez ce livre si vous voulez comprendre la société canadienne-française. » C'est un portrait juste. On l'entendait au tout début dire, Pierre Vallière, au début de l'émission, beaucoup de gens se sont reconnus, se reconnaissaient dans ce qu'il écrivait, dans ce livre-là. Comment ne pas se reconnaître? C'est-à-dire que... Parce qu'il dénonçait aussi les élites. Là. Il dénonçait les bourgeois, les riches, ceux qui accaparaient l'argent, les ressources, le colonialisme canadien-anglais, car il y en avait, puis celui des États-Unis. Alors... Oui, indéniablement, les gens se retrouvaient là-dedans. Ouais. J'ai jamais vu personne dire « ce constat est faux ». Ce que certains disaient, c'est « ces conclusions sont fausses ». Il y avait un appel aussi, ça c'est le côté plus politique, mais l'indépendance, le socialisme, c'est ça qu'il propose au fond. Oui, mais écoutez, en utilisant, en puisant des philosophes à toutes sortes de penseurs, mais ça n'est pas la partie la plus intéressante. Ouais. C'est-à-dire que là, évidemment... Le livre conclut là, que ça nous prend une société sans classe et indépendantiste. Mmh. Au début, ça lui prend un certain temps avant d'adhérer à l'idée d'indépendance, mais dans ce livre, aucun doute là-dessus. Ouais. Mais la partie théorique est beaucoup moins intéressante et reste beaucoup moins éternelle, pourrait-on dire, que le constat social et le vécu de Vallière. Ce livre-là, en tout cas, puis on va y revenir dans un instant, il va avoir un impact considérable, le livre « Nègre blanc d'Amérique ». Mais un petit mot quand même, avant de revenir au livre et au succès qu'il aura, Marc, un petit mot sur le parcours de Pierre Vallière avant l'écriture de « Nègre blanc d'Amérique », avant son engagement au FLQ. On se ramasse quoi au début des années 60? Il écrit et il cherche à publier ses textes partout où il peut. En gros, c'est ça, sa vie. Mais il est au collège classique grâce à l'œuvre des vocations. Il feint la vocation religieuse pour aller au collège classique dans Ville-Jacques-Cartier. C'est un élève brillantissime qui lit, qui dévore tout en termes de littérature et qui, à la fin, il publie même un roman. Il écrit un roman qui s'appelle « Porteur d'eau » dans une municipalité où il n'y a pas d'eau. Hein. Il décrit, encore une fois, sa situation de Canadien-Français. On disait ça à l'époque. Tout à coup, il cesse de feindre la vocation religieuse. Il devient un novice sincère. Il déchire son roman, il l'envoie aux ordures, il reste à la communauté pour un temps, il quitte la communauté et là, il écrit des textes polémiques qui vont être publiés dans Le Devoir. Gérard Pelletier va l'engager à la revue Cité Libre et c'est même plus tard, sur recommandation de Pierre Trudeau, que Vallière est nommé avec Jean Pellerin, un futur éditorialiste de la presse, co-directeur de Cité Libre. Ça, c'est inouï, Marc Laurent. Comment est-ce diable possible? Avec le recul, on ne comprend pas. Parce qu'il était brillant et parce qu'il partageait cette espèce de philosophie à la mode à l'époque, les personnalistes d'Emmanuel Mounier. Il puisait aussi dans l'existentialisme. On trouvait que son approche était intéressante. Ouais. Et il ne s'était pas encore déclaré radicalement indépendantiste. Pas encore. Alors, à cause de ce lien, encore une fois, la philosophie personnaliste d'Emmanuel Mounier, on trouvait que c'était un sujet intéressant. Ouais. Un individu intéressant pour diriger la revue. Trudeau recommande ça au conseil de Cité Libre. Évidemment, ça ne durera pas parce qu'il va de plus en plus s'engager. Son passage à la direction de Cité Libre ne durera pas très longtemps puisqu'il s'engage de plus en plus dans l'action politique. Il va passer à parti pris. Puis, il va entrer. Et comment ça va se faire? Il publie un texte souverainiste dans Cité Libre. Ouais. Pelletier et Trudeau sont aux abois. Ils réunissent le conseil d'administration. Il va être limogé. Il va y avoir une purge au sein de Cité Libre. Ouais. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'il avait été entre-temps recruté à la presse. Là, il va continuer à la presse, malgré tout, pour un temps. Mais il se livre à l'activisme. Et puisqu'il quitte parti pris, il fonde une revue Révolution québécoise, socialiste, et souverainiste. Et le glissement, si je puis dire, vers le FLQ, ça se fait quand et dans quelles circonstances? Ça se fait parce que lui, son idée, il participe aussi à un mouvement qui s'appelait Mouvement Libération Populaire. Son idée, c'était d'adhérer au FLQ, mais de le changer. C'est-à-dire que ne plus simplement s'attaquer aux symboles colonialistes anglo-saxons, mais impliquer le FLQ dans les luttes ouvrières, dans un premier temps, et aussi professionnaliser le FLQ. Alors, je vous dirais qu'il y adhère vers 1965. Ouais. Mais entre-temps, il est mis dehors de la presse parce qu'il participe à des manifestations. Ouais. C'est bien logique. Et on trouve qu'il est trop activiste, justement. Ouais. Et là, il publie dans la cognée des textes sous le pseudonyme Mathieu Hébert, invitant le FLQ à penser à long terme et à se professionnaliser. Et il y a une grève. Il y a une grève à la Grenade, manufacture de chaussures, qui dure depuis un an. On engage même des SCAB. Et là, ce à quoi il pense, Vallière, c'est évidemment de manifester devant cette usine. Mais il y a un appel à la bombe aussi qui se fait. Et le président de l'usine, le directeur de l'usine, il y a un anglo-saxon, veut garder l'usine ouverte quand même. Alors, la secrétaire est là, Mme Thérèse Morin. La bombe explose, ouais, malgré un appel pour prévenir. Ouais. Et là, évidemment, le FLQ est consterné. Ensuite, 14 juillet 1966, ça se passait en mai, le mai 66 que je vous décris. 14 juillet 66, Jean Corbeau, un jeune adolescent, explose avec une bombe qu'il allait transporter chez la Dominion Textile. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, où la police connaît bien... Il y a une cellule qui a été créée par Vallière et Charles Gagnon, la cellule du FLQ Vallière-Gagnon. Ils sont recherchés par la police en lien avec ces deux affaires. Ils décident donc, dans ce contexte-là, de partir à New York. On les écoute au micro de Lucien Millet à l'automne de 1966. Monsieur Vallière, vous voilà rendu à New York. Qu'est-ce que vous comptez faire ici? Ici, aux Nations Unies, ce que nous comptons faire, c'est attirer l'attention des pays du monde entier sur la lutte de libération qui se livre au Québec, et particulièrement sur le fait que toute lutte révolutionnaire au Québec n'est pas reconnue comme telle par les autorités, et que toute action accomplie par des révolutionnaires est souvent assimilé à des crimes de droit commun et les personnes qui en sont responsables à des criminels de droit commun. C'est pour protester contre cet état de fait que nous sommes ici. Vous aussi, M. Gagnon, vous considérez-vous comme un révolutionnaire? Oui. Et ici, à New York, que comptez-vous faire? Exactement la même chose que votre collègue. Vous avez déclenché une grève de la faim, c'est pour attirer l'attention du public? Oui, nous avons commencé à jeûner hier et nous allons continuer jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous demandons. C'est-à-dire la reconnaissance du caractère politique des gestes qui ont été posés par tous ceux qui ont été arrêtés jusqu'à maintenant et par nous-mêmes. Allez-vous essayer de camper devant l'édifice des Nations Unies, quoi? Nous avons l'impression que... Nous allons rester aux Nations Unies jusqu'à la fin, mais nous avons l'impression que nous pourrions être arrêtés assez tôt. Alors, Charles Gagnon voit très juste, ils seront arrêtés assez tôt, Marc Laurendeau, ce qui fait que Pierre Vallière et Charles Gagnon vont se retrouver dans une prison célèbre de Manhattan et que c'est en prison, sur quoi, 2 mois à peu près, que Vallière va écrire Nègre blanc d'Amérique, dans une prison de New York. C'est dans la Manhattan House of Detention for Men, communément appelée la prison de Toombs, que Vallière va rédiger son roman-essai en 2 mois. C'est-à-dire, le jeûne se termine, il y a un médecin qui leur dit, un médecin québécois d'ailleurs qui leur dit, vous n'aboutirez nulle part avec ce jeûne, vous êtes mieux, si vous avez une révolution à faire, d'avoir votre santé. Alors, ils arrêtent le jeûne, et Vallière se procure à la prison des petits crayons de mine, parce que les stylos sont interdits, et debout, dans sa couchette, il a une couchette à 2 étages dans sa cellule, debout, jour et nuit, il écrit sur le sommier du haut, sur lequel il met une couverture, parce qu'autrement le papier aurait déchiré, n'est-ce pas, avec les ressorts du sommier. Et là, il écrit les chapitres qu'il fait sortir un à un. Il écrit en haut de chaque feuille « Notes for my lawyers ». Et les feuilles s'en vont à l'avocat Michel Proulx, criminaliste, plus tard juge à la Cour d'appel du Québec et maintenant décédé. Et c'est lui qui achemine ça vers Gérald Godin, l'éditeur. Ouais. C'est assez incroyable. Le livre est écrit très rapidement. Et dans cette prison de New York. Des gardiens, oui, parce qu'il ne lisait pas le français. Entouré de... Il est au cœur nègre blanc d'Amérique. Il y a des Noirs partout dans cette prison. Ah oui, ça hurle, ça crie. Ouais. Il y a des bruits de fer. L'espèce de rage qu'on trouve dans le livre, il la sentait à la prison, le nègre blanc, où il était allé rencontrer. Ouais. Il voulait voir Stokely Carmichael, qui organisait des manifs, les Black Panthers, mais... Sans avoir ceux-là, il y avait autour de lui des détenus noirs de conditions sociales inférieures, comparables aux Canadiens français. Ils vont finir, Vallière et Gagnon, par quitter cette prison new-yorkaise. Ils vont être extradés au Canada. Il y a évidemment des procès, un procès qui les attend. Et c'est donc au moment où se tiennent ces procès, il est toujours en prison, Vallière, qui est publié en 1968, Nègre blanc d'Amérique. Comment c'est reçu? À sa sortie. Ce sont de très longs délais. On attend un an. Un an, c'est en 68 qu'aura lieu le procès. Le procès commence en février. se déroule jusqu'à avril. Vallière étudie le code criminel. Il s'est fait donner un exemplaire du code de la garde. Il étudie les droits criminels. Il se défend lui-même pendant 6 semaines. Et au milieu de ce procès, sort le livre. Mm-hmm. C'est Gérald Godin de Parti pris. Hein, il dirigeait Parti pris depuis 1965, qui publie le livre. Et là, ça fait un boom, littéralement, parce que la médiatisation du procès, vous comprenez, donnait un relief à cette publication. On comprenait le pourquoi. Et il y avait un comité qui, on trouvait que ça faisait longtemps, là, un an, qu'on l'avait détenu, et qu'il n'y avait pas eu de procès. Alors, il y avait un comité qui s'était formé, le comité Vallière-Gagnon, un groupe de pression qui les défendait. Ouais. Et puis le livre, ben écoutez, au total, avec le recul, il s'en est vendu 100 000 exemplaires. C'est énorme. C'est l'essai ou le roman-essai qui s'est vendu le plus à l'étranger pendant une longue période. Et à l'intérieur du Québec, Nègre Blanc était le deuxième après Les Insolences du frère Untel. Énorme succès de librairie. Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak White. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gant. Speak White. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreille. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Michel Lalonde récitant son poème « Speak White » à la nuit de la poésie en mars 70, « Ces nègres blancs d'Amérique » Marc Laurendeau, qui va inspirer Michel Lalonde à écrire ce poème-là. Ah oui, elle a avoué par la suite que ça l'avait inspiré. C'est pas elle qui va le donner la première fois, c'est Michel Rossignol, à Chants et poèmes de la Résistance. Elle le donnera à l'automne, elle-même, la poétesse Michel Lalonde, et évidemment, dans cet extrait, plus tard, La nuit de la poésie, tourné par Jean-Claude Lamec. Ça montre l'impact qu'a l'œuvre, ce classique, Nègre blanc d'Amérique, qui va donner un autre classique, Speak White. Ouais, exactement. Ouais. Alors, oui, c'est majeur. Ouais. Et ça dérange en même temps. Gros succès, vous l'avez dit, énormément de ventes, mais ça dérange les autorités, la publication de Nègre blanc d'Amérique. Et ça se fait pas, donc, cette publication sans difficulté. On écoute Gérald Godin. Écoutez bien ce qui suit. L'éditeur du livre à l'époque, qui parle à Réginald Martel des circonstances dans lesquelles est publié le livre à l'émission Book Club en 1972. Ils ont saisi 500 exemplaires du livre. Le gouvernement du Québec, qui en avait acheté 200, a annulé sa commande. Le secrétariat d'État en a acheté quand même parce qu'ils ont été à Ottawa, ils n'ont pas poursuivi pour les lois provinciales. Ils en ont acheté 6 ou d'autres, je pense. Je pourrais vous donner la liste des personnes à qui on a vendu une agrément d'Amérique pendant la crise d'octobre. Vous n'en reviendriez pas. Ben, j'aimerais ça en revenir, en voyant. Ben, Mitchell Sharp, le bureau de Pierre Laporte, entre le dimanche où il est enlevé et le samedi où il est disparu. En fait, toutes sortes de gens s'intéressaient tout d'un coup à ce livre-là, qui était interdit, remarquez bien. Et j'ai reçu une lettre il n'y a pas longtemps du bureau de Jérôme Choquette. Je pense que je l'ai écrit 20 fois pour leur demander si le livre pouvait se vendre, parce que l'édition anglaise de Toronto, White Niggers, se vendait partout au Québec. Mm-hmm. Alors je l'ai écrit 20 fois. Est-ce que l'édition anglaise est en vente libre et permise et autorisée par vous? Ils ont dit, on étudie la question. Est-ce que le mien peut être vendu librement? On étudie la question. Ils m'ont enfin répondu. Après avoir saisi 500 exemplaires, après avoir saisi les plaques de mon imprimeur, après avoir littéralement intimidé 5-6 libraires à Montréal, ce qui a gelé tous les autres dans le Québec, ils m'ont tous retourné les livres, tu comprends bien. Après avoir tout fait ça, ils m'ont envoyé une lettre il y a un mois me disant on comprend pas pourquoi vous vous vexez, aucun livre est interdit après ma mort. Autrement dit, de la foutaise pure et simple. La publication de Nègre blanc d'Amérique, on le voit bien dans cet extrait, ça va être compliqué. C'est un petit tremblement de terre dans le paysage politique. Comment les autorités vont réagir, Marc Laurent? Le juge André Fabien, de la Cour des sessions de la paix, comme on disait à l'époque, en 69, juge que le livre est séditieux. Il le fait donc confisquer, d'où les propos de Gérald Godin. c'est qu'on est dans le contexte où il vient, ce même juge, de condamner Pierre-Paul Geoffroy pour des bombes à la bourse à 124 peines de prison à vie. Hein? C'était lourd, ça. C'est la plus grosse sentence dans le Commonwealth. Et puis, on était dans l'agitation des revendications linguistiques à Saint-Léonard. Ouais. Du français dans les écoles, scandait-on. Alors, il y avait une très grande effervescence qui explique en partie la sévérité de la sentence. Mais les longueurs du procès de Vallière, figurez-vous qu'il a été 52 mois en prison au total, sans jamais être condamné pour meurtre. C'est analogue pour Charles Gagnon. Ces longueurs, ces excès de la justice ont fait que, pendant la crise d'octobre, on réclamait la libération des prisonniers politiques et c'était devenu, il y avait des comités qui se formaient. Ouais. La justice, notre justice, a exacerbé le problème, je vous dirais, en réagissant aussi fortement. Avec le recul, quelle valeur garde, conserve Nègre blanc d'Amérique, Marc Laurendeau? Qu'est-ce qui reste pertinent? Qu'est-ce qui l'est moins dans cet ouvrage-là aujourd'hui, avec nos yeux d'aujourd'hui? Avec nos yeux d'aujourd'hui, tout le constat social ne tient plus. Il y a eu la deuxième partie de la Révolution tranquille, surtout en 70, avec la loi 101, l'arrivée de la garde montante dans les affaires, le fait que les Québécois prennent des postes de direction maintenant, même au secteur public. Hein, on administrait notre appareil d'État. Ça ne tient plus, le constat. Mais comme document historique et comme valeur littéraire, c'est écrit avec un rythme fabuleux. Ce qui vieillit un peu moins bien, c'est toute la partie théorique. Les philosophes, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, tous les philosophes qu'il a lus, qu'il a digérés et qu'il invoque pour amener les gens à passer à l'action, tout ça ne tient plus. Mais le constat social, c'est aussi bon qu'une commission d'enquête, finalement, pour nous dire ce qui se passait vraiment. Portrait d'époque. Avec Jacques Cartier, qui, entre parenthèses, est une espèce de vivier où il y a eu les frères Rose, le très admirable docteur Jacques Ferron, qui fait, pratique très, très peu du peuple. Alors, on comprend que dans la société duplessiste, très soumise à l'Église, il était très anticlérical, Pierre Vallière. Et revirement à la fin de sa vie, vous savez qu'il va devenir... Il va entrer dans une communauté religieuse à la fin de sa vie. Il ferme la boucle. C'est incroyable. Ouais. Marc Laurendeau, comme toujours, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Marc. Plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.